une mise à pire. On m'a dit mon maladroit, c'était genre le coin pour vampire. Sous sa cape rouge et noir, accueillez-moi, on est unis. Lui c'est le sang à la bière. Ce vampire est pour la vie. Toutes nos nuits sont les mêmes. C'est dynamite et c'est vampire. Voir encore nos couteaux. Un suçon pour le plaisir d'une tasse de sang chaud. De tendresse, joli temps, une bière à bon marché. Mais à cause de ses dents, il ne peut pas s'y goûter. Merci, au revoir.